J'étais énervé. Je suis chanté n'importe quoi. mal celui qui fait ce truc là. C'est qui fait ça là? C'est pas mal ça. We'll be right back. basse, il s'appelle Phil. Il joue très fort. Il joue trop fort. Ouais, je t'entends à fond, mec. On va essayer de basse batterie pour. Non, c'est bizarre là. Déjà, c'est bizarre. Hein. Pourtant, moi je t'ai mis là. Comme ça. Sol. Thank you. Thank you. Ok. C'est parfait, ça. J'ai un truc. Ah non, 132, merde. Oups, pardon. 132. Je me suis trompé. I'm sorry. Il y a un batteur, là ? Je me suis trompé. Mais non, c'est ma guitare. J'avais une idée, mais ma guitare est accordée. Je vais l'essayer. L'accordeur, il dit que c'est bon. Thank you. je vais faire un truc, je vais enregistrer du coup. Je reviens. Thank you. Thank you.